Un messager entre. Allons bon, mais qu'a-t-il encore celui-là? Va-t'en, Sagouin, ou je te poche, avec des collations et torsions des jambes. Ah, le voilà dehors. Mais il y a une lettre. Eh ben, lis-la. Je crois que je perds l'esprit ou que je ne sais pas lire. Mais dépêche-toi, Boufresque. Ça doit être de bordure. Tout justement. Il dit que le czar l'a accueilli très bien, qu'il va envahir tes états pour rétablir Bougrela et que toi, tu seras tué. Ah, ah, ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, je pense mourir. Ah, pauvre homme que je suis, que devenir, grand Dieu. Ce méchant homme va me tuer. Saint Antoine et tous les saints, protégez-moi. Je vous donnerai de la finance et je brûlerai des cierges pour vous. Seigneur, que devenir? Il n'y a qu'un parti à prendre, Père Ubu. Lequel, mon amour? La guerre. Vive Dieu! Voilà qui est noble! Oui, ah bah, je recevrai encore des coups! Courons, courons organiser l'armée! Et réunir les vivres! Et préparer l'artillerie et les forteresses! Et prendre l'argent pour les troupes! Ah, ah non! Ah, ah non! Ah non! Par exemple! Mais je vais te tuer, toi! Je ne veux pas donner d'argent! En voilà d'une autre! Je t'ai payé pour faire la guerre, et maintenant il faut la faire à mes dépens! Non, de par ma chandelle verte! Faisons la guerre, puisque vous en êtes enragés, mais ne déboursons pas un sou. Vive la guerre !